troisième temps de notre série sur la citoyenneté et le pouvoir. Aujourd'hui, le débat sur les exclus de la citoyenneté au XIXe siècle. Hier, nos invités, Vincent Azoulay et Violaine Sémillotte-Cuchet, nous ont surpris en nous expliquant que ce que l'on croyait savoir sur la citoyenneté de l'Athènes classique devait être aujourd'hui révisé depuis les dernières recherches, en sortant de la notion d'une citoyenneté seulement réduite au vote, comme on l'a souvent fait pour l'Athènes classique. Pourtant, à la période qui va nous occuper ce matin, le 19e siècle, après la Révolution française, cette question du vote a mobilisé bien des énergies chez les femmes, chez les ouvriers, chez les étrangers. C'est ce que nous allons voir ce matin avec Séverine Ignatard, qui co-animera cette émission avec moi et qui a préparé toute cette semaine, avec Delphine Diaz, elle est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Reims, Champagne-Ardenne, elle coordonne le programme Asile Europe 19, Mathilde Larère est également avec nous, elle est maîtresse de conférence à Paris-Est Marne-la-Vallée, elle est auteure d'une documentation photographique très récente, c'était il y a 2 ans maintenant, sur Voter en France, de 1789 à nos jours, entre autres, et puis bien d'autres ouvrages dont on parlera avec elle tout à l'heure. Anne-Sara Moalik Bouglé est également avec nous, elle est docteur en histoire, elle est auteure d'une thèse publiée aux presses universitaires de Rennes, pardon, sous le titre « Le vote des Français, des Françaises, 100 ans de débat », c'est aux presses universitaires de Rennes. Le suffrage universel, dans son roc, chanté par Fursi, dit Capia. Plus beau fleuron de la République, c'est le suffrage universel, c'est l'assemblage sympathique. Bourgeois et son maître d'hôtel, c'est également l'assemblage du vicomte et du vidangeur, l'union du marchand de fromage, du facteur et du parfumeur. Tous les gens par fonction représentent l'opinion, y'en a qui la respectent beaucoup, y'en a même plus d'un qui s'en fout. Tout le jour du scrutin vont porter leur bulletin, ou bien vont pas le porter. Et ça produit un député, tout cela d'entrain, pour la main dans la main, et le peuple souverain 93, et l'on fait d'eux absolument ce qu'on veut, en leur jouant un peu la Marseillaise. Sous l'Empire très impérialiste, ils auraient voté pour l'empereur, sous Boulanger très boulangiste, Boulanger avait leur faveur, maintenant nous sommes en République. Pour elle, ça se conçoit, et demain, dans les langues magnifiques, qui voteront pour n'importe quoi. Toujours en vibration, ils sont plein de conditions, ils ne perdurent jamais leur foi, ils en changent une fois pourquoi, pour leur faire tant d'efforts, suffit de gueuler très fort, des appels citoyens, et de leur donner des poignées de main, tous main dans le bras, pour la main dans la main, et le peuple souverain cadre à 13, et on fait deux, elle fait du monde qu'on veut, en leur jouant un peu la Marseillaise. Bonjour, c'est Séverine Ignatard. Bonjour. Bonjour Delphine Diaz. Bonjour. Bonjour Anne-Sara Moalik Bouglé. Bonjour. Et bonjour à vous Mathilde Larère. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission sur les exclus du suffrage universel. Enfin, les exclus de la citoyenneté, ça n'est pas toujours lié à la question simplement du suffrage universel. On voit là en 1908 un titre composé par Henri Fursy, donc qui est assez sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ce suffrage universel qui est l'alliance du fromager et du parfumeur et qui se revendique du peuple souverain de 93 mais qui au bout du compte fait faire ce qu'on veut plus ou moins au peuple à condition de chanter la Marseillaise. Ça, c'est une grande tendance du 19e siècle que d'avoir été pendant très longtemps assez hostile à cette question du suffrage universel comme seul moment de citoyenneté. Ah bah oui, bah d'autant qu'il y a plein d'autres formes de citoyenneté, une citoyenneté combattante, une citoyenneté en acte, et on a tout le 19e siècle voit s'affronter deux conceptions, la conception de la démocratie représentative qui passe par le vote et réduit le citoyen à n'être qu'électeur, et la démocratie plus directe qui accepte d'autres formes de citoyenneté. Delphine Diaz, vous avez noté la même chose, vous aussi, oui, spécialiste du 19e. Oui, effectivement, la citoyenneté passe pas seulement par l'exercice du vote, d'autant plus que au cours du 19e siècle, il y a quand même plusieurs régimes qui n'appliquent pas le suffrage universel, et donc le suffrage censitaire qui est appliqué, par exemple, sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, implique qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le droit de vote, et qui vont trouver aussi d'autres moyens de faire de la politique. Donc effectivement, la citoyenneté combattante, celle des insurgés sur les barricades, mais pas seulement, hein, il y a d'autres formes, notamment de sociabilité par lesquelles on peut s'affirmer comme citoyen. Et pourtant les régimes qui se succèdent, tout du moins après la Révolution française, sont plutôt dans l'optique de justement encadrer la citoyenneté par rapport au vote, et puis de restreindre évidemment ce vote, avec même cette idée que justement le droit de vote, c'est pas un état, c'est une fonction en fait, et que tout le monde, on va revenir sur cette problématique évidemment du suffrage censitaire, et que tout le monde ne peut pas accomplir cette fonction, Mathilde Delarrère. Ah non, mais le suffrage universel masculin, parce que malgré tout, la question du 19e siècle se pose surtout uniquement pour les hommes, fait peur à toute une frange de la classe politique. Alors, les conservateurs, c'est clair, mais les libéraux aussi. Et donc, il y a toujours eu, ils ont trouvé à plusieurs reprises dans l'histoire des moyens d'exclure les classes populaires, puis essentiellement les classes populaires urbaines. Parce que ce qui fera le plus peur, c'est les classes populaires urbaines, ouvriers, artisans, le monde de la fabrique et de la boutique. Les paysans, on leur a donné le vote plus tôt, d'une certaine façon. Ce qui a obligé à trouver des lois assez tordues pour réussir à donner le droit de vote aux paysans sans le donner aux ouvriers. Ce qui est tout de même intéressant, c'est de replonger dans la forge, pourrait-on dire, de cette question de la citoyenneté moderne, donc, et en particulier la Révolution française. Mathilde Delarrère, on voit bien que au moment de 89, 93, 94, il y a beaucoup d'allers-retours, de tentatives, en particulier par exemple sur le droit des femmes ou sur le droit des étrangers, et que progressivement il va y avoir une sorte de remise en ordre pendant cette même Révolution française, dans la deuxième partie de la Révolution française, qui va refermer des potentialités qui étaient ouvertes de citoyenneté différente, justement ouvertes par la tentative de 1789. Alors en fait, il y a deux choses. D'abord, pour comprendre, pour ce qui est de l'ouverture aux classes populaires ou pas, la lecture, c'est est-ce qu'on a des libéraux au pouvoir ou est-ce qu'on a des démocrates au pouvoir ? Quand on a des libéraux au pouvoir, donc de 89 à 92 à peu près, on a une fermeture du vote. Citoyens actifs, c'est seulement 60% des hommes en âge de voter, mais enfin, ça en exclut quand même 40%. Et quand on a des démocrates, on a donc de 93 à 94, on a un suffrage universel masculin. Retour des libéraux. À nouveau, restriction. Ça, c'est pour les classes populaires. Après, effectivement, il y a une ouverture plus grande aux étrangers, à condition qu'ils prêtent le serment. Alors, aux femmes, non, parce que la question du vote, autant on leur a donné le droit d'association, mais le vote, non. Et puis, il y a aussi, malgré l'illusion rétrospective de repenser à Olympe de Gouges et à la Déclaration des droits de la femme, effectivement... Si elle réclame, c'est qu'elle ne l'a pas, en même temps. Et d'autre part, il y a la barrière de couleur a été levée aussi pendant la Révolution française. On donne d'abord le droit de vote aux Noirs libres, et après l'abolition de l'esclavage en 93-94, on donne aussi le droit de vote donc à tous les Noirs des colonies. Delphine Diaz, vous qui êtes spécialiste de ces questions, en particulier d'exilés, d'étrangers sur le territoire national au 19e siècle, effectivement, une des choses qu'on a peut-être oubliées souvent, c'est la présence de gens qui se sont portés aux côtés de la Révolution française, qui s'appellent Anacharsis Clotz ou d'autres, et qui ont obtenu une citoyenneté, bien qu'étant étranger, et citoyenneté qui va assez vite se refermer avec les guerres de la Révolution en particulier. En effet, en fait, pour le coup, là, pour les étrangers, la chronologie n'est pas un petit peu différente de celle évoquée tout à l'heure, à savoir que, effectivement, dans les années 1790 jusqu'en 93, on est dans un moment d'ouverture vis-à-vis des étrangers accueillis en France. Et cette ouverture, elle se traduit à la fois par la participation ou le fait qu'il y ait des étrangers qui observent les événements révolutionnaires. On sait qu'il y a beaucoup, par exemple, de participants étrangers à la fête de la Fédération en 1790. Il y a effectivement une ouverture accordée aux étrangers dans le sens où, en 1790, un décret important est adopté et permet aux étrangers de devenir citoyens avec une condition de résidence assez limitée, hein, de 5 ans, à condition aussi de prêter le serment civique. Et puis ensuite, la première constitution, celle de septembre 1791, va là aussi définir les citoyens français et ouvrir malgré tout les portes de la citoyenneté à certains étrangers qui n'ont seulement, en fait, qui n'ont pas de démarche particulière à effectuer. Il suffit d'avoir résidé 5 ans en France pour devenir citoyen. Ce qui est pas mal quand même, Delphine Diaz. Enfin, on y reviendra, cette obligation de domiciliation. Qui va d'ailleurs varier, qui va passer de 6 mois, 3 ans, jusqu'à 10 ans, 5 ans, pour exclure, on va y revenir, Mathilde Delarrère, en l'occurrence, justement, les ouvriers. Ouais. Et puis donc on a un moment de fermeture qui va se faire en 1793 avec effectivement l'adoption notamment de décrets d'expulsion des étrangers sans aveu, c'est-à-dire les étrangers vagabonds hein, qui sont les premières victimes, faut bien le rappeler, de cette fermeture à l'égard des étrangers. Et puis plus largement aussi à l'égard de figures bien connues, hein, vous avez parlé de Clotz tout à l'heure, il y en a bien d'autres qui vont devoir renoncer à ce combat et puis même parfois perdre la vie. Et c'est d'ailleurs la particularité quand on lit le travail de Vincent Denis sur la question de l'identité au XVIIIe siècle, c'est la particularité de voir un XVIIIe siècle qui était relativement ouvert, qui va se refermer progressivement parce que justement les nations, les frontières vont commencer à exister de façon beaucoup plus marquée pendant ces guerres de la Révolution française et qu'au bout du compte, effectivement, on va être défini d'abord par sa nationalité progressivement et on va donc ne plus avoir le droit de participer à la vie civique dans des pays qui ont pourtant fait la Révolution, Delphine Diaz. Oui, oui, c'est effectivement un point important, ce resserrement. Et un paradoxe, pourrait-on dire, de l'émancipation révolutionnaire. Ouais. Et puis l'adoption d'une législation quand même de plus en plus punitive aussi, avec le droit de l'expulsion qui va vraiment se formaliser sous le directoire et qui va permettre là aussi de trier les étrangers dont on veut ou pas. Séverine Attard. Alors la question des femmes, Anne-Sara Moali-Bouglé, donc elle se pose évidemment, on l'a dit, un peu avec des revendications comme celle par exemple de l'âme de Gouge qui demande le droit, si elle a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit d'intervenir dans la cité. Et en fait, bon, tout va se refermer en tous les cas clairement pour les femmes avec le code napoléonien de 1804, où là les femmes sont considérées comme des mineures, donc alors, c'était pas particulièrement ouvert avant. Hein. Avant, oui, mais il y a eu des ouvertures. Enfin, disons, il y a eu des discours d'ouverture. Des discours d'ouverture, on va dire peut-être sous la Révolution française. Oui, il y a aussi eu beaucoup de discours très très contraignants pendant la Révolution, notamment sur l'éducation des filles. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très mal vécues. Il y a des revendications parce que ce sont des moments révolutionnaires et on va retrouver ces revendications en 1848 par exemple et à tous les moments de mouvement du régime ou des régimes qui vont se succéder à la fin du 18e et durant le 19e siècle et même au 20e siècle après. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'ouverture aux femmes. Des quelques femmes, quelques poignées de femmes qui ont grossi ensuite au fil du 19e siècle ont profité de ces moments pour imposer quelques-unes de leurs revendications, que ce soit Olympe de Gouges, et on a aussi retrouvé dans les cahiers de doléances qui sont à la mode aujourd'hui et qui étaient en 1789 très présents, il y a eu aussi des femmes partout en France, c'est-à-dire que ce n'était pas une revendication uniquement parisienne, de personnes peut-être un petit peu plus au fait de l'actualité du moment, et donc un peu partout en France, quelques femmes ici ou là, revendiquer une place dans la cité. Vous avez insisté dans votre thèse, qui est publiée aux presses universitaires de Rennes, vous avez insisté beaucoup sur la question de l'invention de la sphère domestique, en reprenant par là les travaux de Jennifer Heuer et de Anne Verju. C'est-à-dire que, effectivement, ce que l'on pense être quelque chose de toute éternité, d'une certaine façon, a été très circonscrit par les travaux d'Anne Verju et de Jennifer Heuer autour de la Révolution française. Et cette idée qu'effectivement, eh bien, il y avait la question de la famille, du foyer dont le représentant était naturellement entre guillemets le chef de famille mais qui laissait entendre à un moment donné qu'il y avait quand même une citoyenneté possible pour les femmes mais qu'elle a délégué cette citoyenneté à celui qui était le chef de famille en l'occurrence. Oui, alors la théorie des sphères avec une sphère domestique qui est réservée entre guillemets naturellement aux femmes. Voilà. Avec une administration du foyer, des enfants, de la religion aussi, qui est assez forte sur cette période-là. Et d'un autre côté, l'extériorité, donc l'administration de la cité, du pays, la défense du pays aussi, sur toute cette période un petit peu trouble, là, qui revient à l'homme. C'est vrai que là, on pose le cadre mental, en fait, hein, de la France, et pas que de la France d'ailleurs, à cette époque-là. Et c'est un cadre conscient et inconscient. Et en effet, la position de la famille, je pense qu'on va y revenir, est très importante durant tout le 19e siècle, avec un représentant naturel. Parce oui. Que le représentant, celui qui vote, donc, celui qui est le cadre de ce suffrage universel masculin blanc, il est le représentant de la famille. Il vote pour une entité, d'une certaine manière, Mathilde Larrère. C'est pas un vote individuel, entre guillemets. En tout cas, ça peut être un certain nombre de penseurs. C'est comme ça qu'ils le défendent. Preuve en est, avant le suffrage universel masculin, quand c'est le suffrage censitaire, pour calculer le sens, on ajoute les impôts de la femme à ce que paye l'homme. Donc, parfois, ce que gagne une femme, enfin, ce qu'elle gagne, pas parce que c'est pas l'impôt sur le revenu, mais en tout cas, ses terres, etc., une fois que c'est imposé, peut permettre à un ménage de voter, mais celui qui a le droit de vote, c'est l'homme. Oui, et la femme est pensée comme celle qui peut transmettre, d'une certaine façon, son vote, mais forcément au chef de famille, forcément à son mari en l'occurrence, ou à son père lorsqu'elle n'est pas mariée, par exemple. Oui, puis de toute façon, on voit lors des campagnes électorales par la suite, les candidats font très attention de s'adresser aux femmes aussi. On considère qu'elles peuvent influencer leur mari ou leurs enfants une fois qu'ils sont majeurs. Donc, on considère qu'elle peut avoir un rôle. Mais en revanche, au moment de déposer le bulletin dans l'urne, c'est niette. Hein. Et ces exilés sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, Delphine Diaz, ils sont essentiellement masculins ou il y a aussi des femmes exilées? Et donc, est-ce que cette question du droit ou de la participation à une citoyenneté quelconque des exilés se pose pour les hommes et pour des femmes, ou quasi exclusivement pour des hommes, étant donné que ces exilés viennent après beaucoup de guerres du 19e siècle qui les font être chassés de leur propre pays pour arriver en France, par exemple. Alors c'est une question sur laquelle on se pose beaucoup de questions, puisque effectivement on commence à travailler là-dessus de plus en plus, sur le fait qu'il y a eu des femmes également en exil en France au cours du 19e siècle, même si on les a un petit peu négligées, oubliées. Alors ça tient aussi aux documents administratifs qui les invisibilisent, qui passent sous silence leur présence. Mais effectivement, il y a eu aussi des femmes, et des femmes qui ont pu jouer un rôle politique. Alors ça passe bien sûr pas par le droit de suffrage, mais ça passe par d'autres formes d'implication politique, ça passe par des discussions politiques organisées dans des salons. Je pense par exemple à l'exilée italienne Belgioioso qui, à partir de 1835, anime un salon où il y a des discussions politiques internationales, pas seulement sur la France, qui se tiennent. Et puis ça passe aussi par l'engagement sur les barricades. Moi j'essaie de travailler sur les dossiers de combattants étrangers, donc déposés auprès de la commission des récompenses nationales en 1830 et en 1848. Et parmi les étrangers qu'on peut retrouver, une énorme proportion quand même d'hommes, mais on arrive à retrouver la trace de quelques femmes, épouses ou alors de femmes isolées qui ont également pris les armes ou alors qui ont aidé les insurgés. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floquet et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floquet et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Marc Augeret interprète « Faut plus de gouvernement » de François Brunel, composé en 1889 sous la Troisième République. Mais effectivement, cette question justement des réticences vis-à-vis du gouvernement de la part des ouvriers est une question qui court tout au long du 19e siècle, Mathilde Larrère. Et c'est vrai que là, on se dit, mais quelle est la volonté de rentrer ou de ne pas rentrer dans le suffrage universel masculin tel qu'il a été pensé tout au long de ce 19e siècle pour des classes ouvrières qui considèrent qu'il y aura dans cette démocratie représentative une sorte de captation de leur voix, VOIX, pour pouvoir, au profit des gouvernants et des possédants en l'occurrence. Alors, il y a toujours, enfin, à chaque restriction du droit de vote aux classes populaires, il y a une réaction qui appelle à l'ouverture. Bon, réaction parfois de démocrates qui sont bourgeois, hein, mais qui sont favorables à la démocratie. Et puis des classes populaires, même si c'est plus difficile de voir cette forme d'expression. Mais on se rend compte que quand il y a des fermetures, il y a des campagnes de pétition. Et comme la pétition n'est pas considérée comme un droit politique, mais c'est un droit naturel, par conséquent, il est ouvert même à ceux qui sont privés du droit de vote. On a tout un tas de signatures de classes populaires qui réclament l'ouverture du droit de vote. Que ce soit sous la monarchie de Juillet, enfin, au début de la Révolution, il y a un grand mouvement, plusieurs campagnes pendant la monarchie de Juillet, et lors de la fermeture à nouveau de la loi de 1850. Donc il y a cette réclamation. Il y a une demande et il y a aussi des gens Mais pour autant, ils ne sont pas dupes. Hein. Ils ne sont pas dupes du risque que représente la démocratie représentative. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on regarde, les classes ouvrières, enfin les mouvements ouvriers réclament certes le suffrage universel, mais réclament aussi d'abord l'éligibilité universelle et les moyens de l'assurer, c'est-à-dire une indemnité parlementaire, parce que évidemment, la question n'est pas seulement qui a le droit de vote, mais qui arrive au pouvoir. C'est-à-dire que si on ouvre le droit de vote, mais que on ferme par différents processus légaux ou de facto l'arrivée, enfin les bandes de l'Assemblée aux classes populaires, ça ne rend pas grand-chose. Ça va donner par exemple le manifeste des 60 hein, qui réclame qu'il y ait des candidatures ouvrières pour qu'il y ait des ouvriers qui siègent à l'Assemblée. Et de nos jours, c'est encore les principaux exclus et les principaux intrus d'ailleurs de la vie politique. Il n'y a plus qu'un seul ouvrier à l'Assemblée nationale de nos jours. C'est indissociable finalement, Mathilde Larrère, aussi de l'émergence du socialisme quand même et du socialisme révolutionnaire, qui évidemment veut aussi arriver au pouvoir et pouvoir, effectivement, siéger et avoir son mot à dire. Oui, sauf qu'il y a des débats internes entre est-ce qu'il faut justement arriver au pouvoir par les urnes, faire monter des ouvriers à l'Assemblée et faire des lois, ou est-ce qu'il faut faire une révolution, tout renverser et mettre à la place un gouvernement que ouvrier. Donc là, c'est des questions déjà qui se posent entre réformistes et révolutionnaires. Oui, Delphine Diaz. Alors on parle des ouvriers, effectivement, il faut aussi revenir, il me semble, à la Seconde République, où est posée aussi la question de la participation des ouvriers à l'exécutif. C'est pas seulement aussi le pouvoir parlementaire qui est en question, et c'est quand même la première fois, avec le gouvernement provisoire, que des ouvriers entrent dans l'exécutif en France. Donc il y a un moment quand même qui est essentiel. Et la question des femmes, alors justement, en 1848, elle se pose aussi de manière un peu plus directe, Anne-Sara Bouglé-Moalic. Parce que justement, il y a des 48ardes, il y a des femmes qui sont sur les barricades et dans la rue, je pense par exemple à Eugénie Limoyet, et qui vont poursuivre ce combat, alors pas très longtemps, hein, parce qu'après il va être réprimé, mais qui revendique, et avec des journaux, avec des clubs, ou pas des salons là en l'occurrence, mais enfin des clubs de pensée, et qui veulent réfléchir. Et elles font même mieux que ça, elles vont plus loin, elles agissent. En effet, la question ouvrière, elle est aussi au cœur de la revendication de ces femmes, hein, de Jeanne de Rouen, Eugénie Niboyer, toutes les autres, qui certaines réfléchissent depuis longtemps, certaines sont des anciennes Saint-Simoniennes, donc sont très attachées à ces questions-là. Donc ça veut dire que toutes n'ont pas la revendication du suffrage. Certaines, ça ne les intéresse pas plus que ça. Il y a d'ailleurs la candidature. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose la candidature de Georges Sand. C'est un récit assez extraordinaire. C'est Jeanne de Rouen qui va vraiment cristalliser, incarner ce combat pour le vote des femmes en 1848-49. Et donc elle est très active. Elle écrit en effet dans des journaux. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se pose comme candidate pour les élections législatives de 1849. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle a écrit, il y a tout son témoignage qui est extrêmement poignant parce que elle met bien en avant les difficultés à la fois en tant que révolutionnaire, que socialiste et en même temps que femme, à aller s'adresser à des gens qui ont beau être très progressistes, dès qu'il s'agit de la question féminine, peuvent l'être beaucoup moins. Il faut dire que les Proudhoniens n'étaient pas vraiment très favorables au vote des femmes, par exemple, ou à la participation des femmes au pouvoir, oui. Même absolument pas. Et donc voilà, elle rencontrait beaucoup d'opposition chez des personnes en qui elle penser avoir confiance et avoir un appui. Et en fait, elle se rend très vite compte, et beaucoup de femmes se rendent très vite compte que non, c'est pas ce progressisme-là, en fait, qui est attendu. Et plus certaines femmes aussi pensent qu'il n'est pas encore temps, qu'il faut d'abord s'occuper des droits, voilà. Ah oui. Georges Sand, dans l'occurrence, voilà. Il y a deux cas. Il y a déjà la grande majorité des femmes qui n'y pensent même pas. Et ensuite, dans la catégorie des femmes qui ont des opinions politiques et qui les affirment, en effet, une bonne partie des femmes qui pensent que la première pierre sera les droits civils, puisqu'en effet, à cette époque-là, une femme ne peut pas témoigner, n'est pas libre de ses mouvements une fois qu'elle est mariée. Enfin, voilà, il y a... On ne peut rien faire sans son mari. Oui, on ne peut rien faire sans ces droits civils élémentaires dont sont privées les femmes depuis le Code civil napoléonien. Donc il s'agit d'établir une sorte de liste des priorités. Voilà. Et que la priorité n'est pas tout de suite la question du vote, en l'occurrence, mais qu'il faut avoir travaillé l'opinion publique pour pouvoir justement acquérir des droits civils et peut-être après obtenir le droit de vote, Mathilde Naret. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en gros, elles savent pas si c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord obtenir le droit de vote, se faire élire pour faire sauter le code civil napoléonien, ou est-ce qu'il faut d'abord faire sauter le code civil napoléonien et ensuite se battre pour le droit de vote? Donc, en gros, jusqu'aux suffragettes, hein, c'est il faut d'abord supprimer le droit civil et après, et ensuite les suffragettes, c'est d'abord on va rentrer, quand on sera rentré, on va réussir à faire sauter ce code civil. Sarah Moalik Boublé. Oui, en plus de tout ça, beaucoup de ces femmes pensent que la globalité des femmes doivent être éduquées. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on retrouve aussi du côté des ouvriers. Elles sont persuadées que les femmes ne sont pas encore assez éclairées pour pouvoir voter, et souvent voter correctement, puisqu'il y a une dimension politique partisane qui est encore assez forte en 1848, qui va s'effacer, enfin, qui va s'élargir, disons, à la fin du 19e. 1848 est aussi un moment très fort de participation de tout un tas d'étrangers aux révolutions de 1848. Et effectivement, c'est très intéressant que de se poser la question de savoir si on va leur donner une citoyenneté particulière. Vous nous rappeliez dans un documentaire récent consacré à Marx et à Paris, Delphine Diaz, combien il y avait d'étrangers, en particulier d'origine allemande, sur le sol parisien dans les années 1840-1850, des dizaines de milliers, voire plus d'une centaine de milliers, parfois, qui sont des ouvriers. Et donc ces gens-là, est-ce qu'on va leur donner la citoyenneté au moment de 1848? Alors, en 1848, il y a en effet une ouverture pour les étrangers, puisqu'il y a un grand décret qui est adopté en mars qui va permettre d'ouvrir la citoyenneté à davantage d'étrangers, et avec un afflux des demandes de naturalisation. Mais pour rebondir sur ce qu'on a dit précédemment, pour les étrangers, alors bien sûr, il y en a beaucoup qui vont demander la nationalité française en 1848 à cette occasion. On voit vraiment qu'il y a une accélération du rythme du dépôt de demande. Mais c'est un petit peu comme pour les femmes, c'est-à-dire que pour les étrangers aussi, en fait, la naturalisation, c'est pas toujours l'alpha et l'oméga. Et là aussi, la question des droits civils est aussi une question très très importante pour eux. Hein. Donc effectivement, 1848, un moment important dans cette ouverture de la naturalisation, qui va permettre donc de devenir citoyen, au sens propre, et de voter. Mais par ailleurs, ça n'empêche pas, là aussi, hein, je reviens aussi à ce qu'on a dit en introduction, qu'il y ait d'autres formes de politique qui excède largement l'exercice du droit de suffrage, et ça passe en particulier par la citoyenneté combattante. Et quels sont les freins justement à la participation dont vous parliez tout à l'heure, des ouvriers justement à cette citoyenneté, Mathilde Larrer, dans ce milieu du 19e siècle, au moment d'une révolution et donc et de sa répression ensuite évidemment, mais au moment de cette révolution 1848 et des suites? Alors 1848, c'est l'ouverture pour les ouvriers dans le décret de Ledru-Rollin qui institue donc le suffrage universel masculin. Il y a écrit « Il n'y a plus de prolétaires en France ». Il faut savoir qu'à l'époque, prolétaires, c'était ceux qui étaient privés du droit de vote. C'est ensuite qui prendra une définition qu'on connaît plus. Grâce à Marx. Grâce à Marx, évidemment. Et donc au début, c'est l'ouverture. Cela étant dit, pour le premier vote, ce que dénoncent d'ailleurs les ouvriers, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont telles qu'il a été difficile pour les ouvriers de s'inscrire pour la première élection. Ils protestaient beaucoup. Les bureaux n'étaient ouverts que aux heures de boulot pour les ouvriers. Donc en fait, il y a eu une sous-inscription des ouvriers pour le premier vote qui a été dénoncée, qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de démocrates droite, ça paraît paradoxal, mais voulait repousser les premières élections au suffrage universel masculin, notamment parce qu'il prenait conscience qu'on était en train de sous-inscrire les ouvriers. Et puis surtout, il y a la fermeture de la loi, mais là c'est après, hein, c'est une fois que la République est devenue conservatrice, de la loi du 18 mai 1850, et qui là invente quelque chose de très malin, une espèce de capacité domiciliaire, hein, comme on dira à l'époque, c'est-à-dire que pour avoir le droit de vote, il fallait justifier de 3 ans de domicile dans la même commune. Or, les ouvriers à l'époque sont extrêmement mobiles, hein, pour des raisons de... Voilà, c'est le marché du travail est très fluctuant, le turnover est une forme de résistance des ouvriers à cette époque, donc évidemment ils s'en saisissent, hein, donc très peu d'ouvriers peuvent justifier des 3 ans de domicile, et ça revient donc à priver un tiers du col électoral du vote, mais quand on regarde dans les villes ouvrières, c'est 80%, à Tourcoing, 80% du corps électoral est amputé par cette loi de 1850. Donc c'est une loi qui vise les ouvriers. Et plus bon... Bon, alors là, ça va pas durer longtemps, hein, le suffrage ouvert, enfin la fin du suffrage censitaire, plus aussi le fait que il y a pas d'isoloir, il y a pas de vote secret. On sait très bien la dépendance des ouvriers face au patron, voilà, qui font que il n'y a pas de liberté de vote réellement. Alors le problème de ce recul en plus assez français, hein, de l'isoloir et donc des conditions matérielles pour assurer le secret du vote, pose peut-être plus de problèmes dans les campagnes que dans les villes. Dans votre documentation photographique, on voit une gravure où le gendarme est à côté de l'urne, en l'occurrence à côté de l'endroit où on va voter, et il surveille donc tous ceux qui viennent voter, et évidemment qui prennent les bulletins. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, comme les bulletins, dans des systèmes de pression simplement sociale, soit même dans des formes d'achat, hein, de voix, comme les bulletins n'étaient pas secrets, on les marquait, et après on pouvait vérifier que la personne avait bien ou mal voté, et selon qu'elle ait bien ou mal voté, elle avait la rétribution symbolique ou en espèce sonnante et trébuchante qu'on lui avait promis. Alors il y a aussi d'autres exclus, on n'en parle pas parce qu'on ne les considère pas comme exclus, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, mais ce sont les mineurs. Les mineurs, ceux qui ont moins d'un âge légal en l'occurrence. Comment se décide justement la participation à la citoyenneté pour certains et pas pour d'autres? Et à partir de quel âge en l'occurrence, Mathilde Larrère? Alors sous la Révolution c'est 25 et puis ensuite on passe assez vite à 21 ans. Il faut donc attendre, comme vous le savez, Valéry Giscard d'Estaing pour que ça passe à 18, sachant que la question des 18 ans se pose en fait dès la Libération. C'est très présent, hein, au cœur des mouvements de résistance et donc au moment de la Libération. Et en fait, ce n'est pas appliqué à la Libération parce que autant on fait voter les femmes parce que l'on est assez persuadé que les femmes vont voter gaulliste ou en tout cas plutôt conservateur, autant on pense que les jeunes vont voter communiste. Delphine Diaz. Cette question de l'âge, j'ajouterais aussi qu'il n'y a pas seulement la question du droit de vote, il y a aussi la question de l'éligibilité. Bien sûr. Je veux dire, sous la Restauration, il faut avoir 40 ans pour être député, ce qui est déjà un âge avancé à l'époque. Donc voilà, c'est aussi un moyen de limiter l'accès de la jeunesse à la vie politique. Oui. Et d'ailleurs, la question de l'âge est aussi intéressante pour le vote des femmes, puisque le débat est assez long, hein, surtout sous la Troisième République, sur est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux femmes, et si oui, comment? Et là, on essaye de minorer aussi leur arrivée trop massive dans le système, en disant bah, peut-être qu'on pourrait leur donner à partir de 25 ans. Et puis alors l'éligibilité, on pourrait ne pas leur donner, ou qu'elles soient juste éligibles. Mais l'âge compte aussi, et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, les femmes ont voté, oui, mais à partir de 28 ans. Mmh. Alors justement, puisque vous évoquez cette Troisième République, on va bientôt y arriver avec, par exemple, ce texte qui est tiré du Mémorial de la Haute-Loire. C'est un texte de 1908, et c'est un texte qui parle d'une féministe très connue, qui s'appelait Madeleine Pelletier, et qui la critique pour ses idées de féministe. C'est un texte très virulent dans la presse de l'époque. Il est lu ici par Elsa Dupuis. C'est dans notre séquence « C'était à la une » du 29 juin dernier qu'on l'a publié. Si elle est femme, elle enrage de l'être et fait tout son possible pour qu'on oublie qu'elle l'est. Elle n'en est pas encore arrivée à s'habiller en homme, mais elle sait, dans son costume, dans sa coiffure, elle porte les cheveux courts et coupés en brosse, masculinisée autant qu'elle l'a pu. Et je vous jure que cela ne l'embellit pas. C'est à croire qu'elle ne s'est jamais regardée dans une glace. Naturellement, elle réclame pour les femmes tous les droits que les hommes ont réservés pour eux-mêmes, à commencer bien entendu par les droits politiques. Elle veut que les femmes votent. Elle veut que les femmes puissent être élues. Faut-il dire conseillère, députée, sénatoresse ? Et lorsque Mademoiselle Lallouée, journaliste, se présenta aux dernières élections municipales dans le 9e arrondissement, elle tint à prêter l'appui de sa parole à la candidate. Je dois avouer que Mademoiselle Lallouée, qui est gentillette et qui ne voulait que rire et se faire un peu de réclame, obtint beaucoup plus de succès que Mademoiselle Madeleine Pelletier, qui prenait cette initiative au sérieux et dont l'aspect un peu trop pommasse n'était pas pour séduire des électeurs désirant s'amuser en se prêtant à cette bonne farce d'une candidature féminine. La bonne farce d'une candidature féminine, c'est écrit par un certain Karl dans la mémoire, le mémoire de la Haute-Loire, de la Loire et de la Haute-Loire. C'était daté du 2 novembre 1908 et on peut le retrouver sur le site Rétro News de la Bibliothèque nationale de France. Alors, cette revendication en marche, Anne-Sara Moilic-Bouglé, alors, elle se concrétise, bah, semble-t-il, bon, durant les années 1880, fin 19e siècle, là, les femmes sont davantage instruites, elles font davantage d'études. Il y a maintenant des professoresses, des institutrices. Il y a une école normale supérieure pour les femmes. Donc, il y a des avocates, des femmes qui sont médecins également. Et du coup, il devient un peu... ça devient difficile de dire que justement, elles ne sont pas assez instruites, par exemple, pour voter. Donc là, il y a une revendication qui devient plus, plus concrète par rapport à ce... Peut-être ce droit de vote et ce droit à participer aux affaires de la cité. Oui, d'ailleurs, plus instruite, Madeleine Pelletier était l'une des premières internes en psychiatrie. Mais bon, là, c'est beaucoup plus tardif. C'est vrai que dans les années 1880, on retrouve encore cette prédominance du droit civil. Et il y a en fait une lutte quasiment entre deux mouvements féministes, on va dire. C'est un mot qui est encore nouveau, qui est en train d'apparaître. Et les suffragistes menées par Hubertine Auclert, qui est quand même la grande figure suffragiste française, qui est la pionnière de ce mouvement, qui arrive à Paris assez jeune, qui est célibataire, qui est orpheline, donc elle a un petit pécule, et qui, elle, se lance complètement. On est en 1878, 1880. On est 1800, oui, c'est ça, elle arrive en 1876 à peu près à Paris, et elle se lance à corps perdu dans ce mouvement, justement sur la base du poids des femmes dans la société, et elle va surtout donner une visibilité à travers son combat au mouvement féminin. Alors avec des moyens, parfois, alors bon, la presse, pétitions, alors c'est un peu plus tard, mais il y a aussi la mise en place d'un scrutin pour le vote des femmes, référendum, manifestation. Ils font beaucoup de choses, elle fait des happenings. Hubertine Auclert. Ouais. Mais oui, elle arrive dans des mairies au moment, parce qu'elle se bat quand même sur tous les fronts, elle n'est pas que sur le suffrage. Pour elle, c'est la première pierre, le suffrage, contrairement aux époques précédentes. Mais elle arrive dans des mairies au moment où la femme va prêter obéissance à son mari, et elle fait des scandales à ce moment-là. Et donc, en fait, elle arrive à gagner la presse, parce que mine de rien, au fur et à mesure, la presse, certes, ça les fait un peu rire, mais pas forcément plus que ça. Et ils vont mettre en avant son combat. Elle intervient dans des congrès, notamment le congrès socialiste. Elle va porter vraiment sa voix. Et puis, plus tard, il va y avoir aussi des premières candidates. Enfin, il y avait eu Jeanne de Roing, mais ils vont renouveler ça régulièrement à chaque élection. Et c'est difficile d'avoir des femmes candidates à l'époque, ouais, parce que c'est difficile de parler dans un monde d'hommes quand tout le monde vous trouve subversive. C'est le cas de Léonie Rouzade, par exemple. On pourra se reporter à la notice du Métron sur Léonie Rouzade, première candidate de la Troisième République, ou encore Paul Minck et d'autres qui vont participer justement à cette volonté de faire casser le mur du suffrage universel pour les femmes. Mais les débats sont toujours là, tout de même. Mathilde Larrère, est-ce qu'il faut participer à cela? Est-ce qu'il faut faire la révolution? Il y a les anarchistes qui arrivent dans ces années 1890. Dans la sphère politique aussi, qui se font entendre. Et effectivement, il y a toujours des débats très vifs, jusqu'à la guerre de 14 au moins, pour savoir quels sont les droits que l'on peut acquérir et comment les acquérir, en l'occurrence. Oui, alors juste pour revenir sur... Il y a quand même quelque chose qu'invente la Troisième République pour exclure les femmes, c'est qu'elles sont trop cléricales. Et ça, c'est ce qui va freiner beaucoup le vote des femmes. Et c'est la gauche radicale, les radicaux, les socialistes, qui vont tenir ce discours en partie. Et ça, oui, enfin, beaucoup, oui, mais c'est vrai que d'un seul coup, comme on craint que la femme vote en fonction de l'influence du curé, c'est des arguments qui peuvent être mobilisés. Ils existent avant, mais... Et puis, il n'y a pas que cela, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les femmes vont être trop à gauche, trop socialistes, et qu'elles sont extrémistes, en fait. De toute façon, elle toujours trouve quelque chose. Les socialistes de les rejeter aussi. Donc. Ouais, hein, ouais. Et c'est vrai que c'est une discussion, c'est ce que plus tard André Tardieu, sur lequel une biographie vient de tout juste de sortir, appellera le jeu de cache-cache, je crois, en l'occurrence. C'est cette façon dont on a toujours repoussé cette possibilité du droit de vote des femmes par un jeu de cache-cache qui fait que si c'est accepté à la Chambre des députés sous la Troisième République, c'est refusé 5 ou 6 ans plus tard par le Sénat et on est obligé de remettre la proposition de loi. Y a pas tellement de cache-cache en fait. Hein. Le Sénat et les radicaux ne voulaient pas. La Chambre était plutôt favorable et elle l'a été de manière continue entre 1919, où si tout s'était bien passé, comme dans d'autres nations qui venaient de finalement revigorer leurs institutions, comme on l'a vu dans plein de pays en Europe qui ont accordé le droit de vote aux femmes à ce moment-là. Si tout s'était bien passé, en 1919, 1920, les femmes avaient voté en France. Et là, ça n'a pas été le cas. Le Sénat a bloqué et peut-être. Alors certes, il y a le côté clérical, mais le côté clérical, il est très lié à leur vision de la République. Et en fait, pour moi, c'est leur volonté de ne pas bouger la République telle qu'elle a été inventée dans la période qu'on vient d'évoquer, aux alentours de 1848, où on a une idée républicaine avec des dogmes. Et en fait, ils s'intitulent eux-mêmes les conservateurs de la République. Ouais. C'est pas les conservateurs de la laïcité ou autre. Les conservateurs de la République, on n'y touche plus et on va pas inclure 50% de la population parce que ça pourrait être le déstabilisant. Bazar. Déstabilisant. Et en plus, il y aurait plus de femmes qui voteraient même que les hommes. Donc ça, la guerre, il y a plus de femmes. De femmes. Et c'est d'ailleurs, et pourtant, c'était un argument. C'est-à-dire qu'après la guerre, les femmes ont participé à l'arrière, etc. Et tout ce discours, hein, d'ailleurs, justement au moment du débat à l'Assemblée, est évoqué. Certes, on reconnaît le rôle des femmes, elles travaillent, etc. Mais ce n'est pas opportun. Ce sera désordre parce que la situation est trop subversive. Delphine Diaz, qu'en est-il pour les étrangers qui sont votre sujet en l'occurrence et les exilés dans cette période qui n'est plus la même effectivement de la fin du 19e siècle et de l'instauration d'une république qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence? Alors, on peut noter un double mouvement. D'un point de vue politique, il y a l'adoption de la grande loi sur la nationalité de 1889, première loi qui adopte ce terme même dans son intitulé, qui va reconnaître le double droit du sol, en permettant donc aux enfants d'étrangers eux-mêmes nés en France de devenir citoyens et français, puisque les deux sont intimement liés en France dans notre histoire. Donc d'un point de vue politique, effectivement, ça va impliquer que davantage d'étrangers nés en France ont accédé à la citoyenneté. Et puis il y a aussi la citoyenneté sociale, hein, puisque là aussi, faut bien penser qu'il y a beaucoup d'étrangers ouvriers, hein, que les deux identités se conjuguent. Et en l'occurrence, les grandes lois sociales qui vont être adoptées sous la Troisième République vont inclure les étrangers dans leur périmètre. Donc je pense par exemple à la loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats ou encore à la loi sur les accidents du travail en 1898. Donc les étrangers ne sont pas exclus. Néanmoins, il y a quand même quelques restrictions. Par exemple, le fait qu'un étranger ne puisse pas diriger un syndicat professionnel. Oui, et c'est donc une conquête progressive des droits, pourrait-on dire, Mathilde Larrey? Pour les étrangers ou... Pour les étrangers, et puis pour tout un tas de personnes, justement, de façon, qui étaient exclues. Oui. Mais à l'intérieur de cette Troisième République, oui, qui légifère beaucoup et qui passe beaucoup, oui, de temps à créer de nouvelles lois d'émancipation. Alors, à partir de la Troisième, globalement, oui, mais sur tout le siècle, on a quand même des allers-retours. Parce qu'il y a des moments de suffrage plus restreints, des moments de suffrage plus ouverts. Et c'est une fois, en gros, à partir de la Troisième, on ouvre progressivement. Il y a aussi, dans les exclus à qui on va mettre beaucoup de temps à donner le droit de vote, il y a tous les colonisés. Hein. Et c'est vrai que, qui plus est, c'est très différent d'une colonie à l'autre, entre les vieilles colonies, l'Algérie et les nouvelles colonies de la fin du 19e siècle. Les vieilles colonies, ce sont par exemple les 4 communes. Et les Antilles aussi, qui ont des régimes de droit de vote qui ne sont pas ni ceux de la OFAEF et Indochine, ni ceux non plus de l'Algérie. Donc, dans la question de l'exclusion-inclusion, la question des colonies, elle est très importante aussi, mais elle suit une progression réelle, quoique très tardive. Il faut quand même... En fait, on ne donnera vraiment le droit de vote aux colonisés qu'à la veille de la décolonisation. C'est ça qui est dingue. Delphine Diaz ? Oui, il ne faut pas oublier aussi que ce sont les années où on va codifier le droit le statut des indigènes. Ce terme même est vraiment important, hein, avec effectivement une exclusion du droit de citoyenneté qui est actée par ce code de l'indigénat, hein, qui va peu à peu se diffuser dans une grande partie de l'Empire français. Anne Sarah Malik Boublé. Et comme d'habitude, ça finit par les femmes, puisque autant, alors que pourtant, voilà, les femmes ont obtenu le droit de vote en 44, les indigènes, entre guillemets, notamment en Algérie, l'ont en même temps, il me semble, et les femmes, les femmes algériennes, 1958. De toute façon, en 44, la loi, c'est en métropole. Sinon, voilà. Alors, il y a cette question, effectivement, du droit de vote, de l'évolution de cette question du droit de vote, et les autres droits qui sont liés, justement, à ce droit de vote, qui ne sont pas liés forcément à ce droit de vote, les droits du travail, etc. Ils progressent aussi dans ces périodes-là, pour ceux qui en étaient exclus auparavant, Mathilde Larrère. Justement, pour les étrangers, je crois, Delphine Diaz, du coup, Mathilde Larrère, ils ont droit de participer au vote à la sécurité sociale, être représentant des délégués, etc. Là, les droits sociaux sont plus ouverts. Aussi de la loi sur les assurances, donc les droits sociaux sont plus ouverts. En revanche, il y a toujours la question, par exemple, du droit de vote des étrangers, qui est une question qui reste encore posée aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a quand même une continuité de ce point de vue. Mathilde Larrière. Non, puis pour les droits sociaux qui sont donc formulés d'une certaine façon pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93. Que l'on retrouve un petit peu entre février et avril 48, avant qu'il ne soit supprimé par l'Assemblée sortie des urnes et de facto conservatrice, on va commencer à les mettre en pratique sans les formuler après l'affaire Dreyfus, quand naît ce qu'on a appelé longtemps la République radicale, donc cette République qui repose sur une alliance électorale des radicaux et des socialistes et qui met en place les premières lois sociales dont Delphine a parlé et qui permettent de fait de reconnaître des droits sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intersectionnalité, c'est-à-dire de croisement des luttes. D'une certaine façon, on a parlé de types d'exclus qui étaient différents justement de ce suffrage universel ou de cette situation. Citoyenneté au 19e siècle, est-ce que on peut dire qu'il y a des liaisons entre des ouvriers, des femmes ou des étrangers autour de ces questions-là, ou au contraire, est-ce qu'il y a bagarre parce que chacun veut acquérir des droits que l'autre ne pourrait pas avoir. Il y a évidemment à plusieurs moments des convergences. Il y a beaucoup de femmes socialistes, notamment dans ces mouvements suffragistes. Néanmoins, le moment où ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et à avoir un impact sur l'opinion publique, c'est quand même le moment où le suffragisme sort d'un côté très partisan et très à gauche pour devenir quelque chose de très bourgeois et de redescendre en fait via des sociétés caritatives qui étaient par des grandes bourgeoises protestantes notamment, puis par des grandes bourgeoises catholiques. Et là, peu à peu, ça a infusé dans la société parce que ça devenait respectable. Demain, vous nous parlerez dans le documentaire qui va conclure notre série d'émissions consacrée à la citoyenneté et au pouvoir, d'une expérience très particulière. Bah oui, une expérience de pouvoir citoyen, rendre le pouvoir aux citoyens ou rendre du pouvoir aux citoyens, c'est la question qui sera posée dans le documentaire, à Louviers, durant les années 60, dans l'heure, 1965-1983. Une expérience où les citoyens vont être conviés à participer à la gestion de la cité, où il y a aussi toute une politique de gratuité des services, de l'éducation, une sorte de politique un peu humaniste qui va tenter de se mettre en place, ces quelques années. Un extrait de ce documentaire qu'on pourra entendre demain dans la fabrique de l'histoire, rendre le pouvoir aux citoyens, Louviers 1965-1983, que vous avez signé avec Marie-Laure Ciboulet-Sévrignatin. Le mercredi qui précède le second tour, il rédige de sa main ce manifeste pour une union des gauches. Et ce manifeste est extrêmement important parce que il dit tout ce que sera la politique d'Ernest Martin. Toi dont l'idéal veut l'égalité sociale entre tous les hommes, toi qui souffres chaque jour de le voir bafoué, toi que blesse l'injustice entre le riche et le pauvre, toi qui sais que les chances d'un fils d'ouvrier seront toujours moindres que celles d'un fils de patron, quelles que soient les prétentions à la répartition des richesses que tolère un système capitaliste, quelle que soit la bonne volonté du patron à se vouloir social. Toi qui sais que la soif légitime de savoir conduit plus vite à la connaissance du monde qu'à la compréhension de l'ambiguïté. Isabelle Martin, une fois élue, qu'est-ce que votre père, le docteur Martin, avec son équipe, va mettre en place ? il a développé entre 65 et 69 une quantité d'actions tout à fait originales pour l'époque. Hein. Ça paraît moins maintenant, mais surtout la gratuité qui pour lui était vraiment une donnée de base. L'idée étant que les gens devaient payer des impôts et que leurs impôts devaient servir effectivement à ce que les services publics soient gratuits. Alors, monter des expositions qui étaient gratuites, la piscine, il a fait construire une piscine et la piscine était gratuite jusqu'à 16 ans, ou je crois quelque chose comme ça. Il est vrai que l'expérience de Louvier a été diffusée, vulgarisée, par Christophe Warny, qui était un dirigeant au niveau de la Haute-Normandie à l'époque, pour le Parti Socialiste Unifié, qui est donc venu faire un reportage à Louvier en mai 1976, et qui a fait comprendre que dans la ville de Louvier, il y avait de l'autogestion, et que même il y en avait eu à partir de 1965. Or, en fait, quand moi j'ai bien regardé les choses, que j'ai pu lire les journaux publiés par le comité d'action de gauche, ou même avant, je me suis rendu compte que ces militants ne se réclamaient pas de l'autogestion, qu'ils avaient leur propre mot d'ordre, comme rendre le pouvoir aux citoyens. Information, participation, contrôle. Devenez ou redevenez propriétaire de votre ville. Do it. Voilà donc un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire, qui conclut notre série sur citoyenneté, pouvoir rendre le pouvoir aux citoyens, Louvier 1965-1983, un documentaire de Séverine Yatard et de Marie-Laure Ciboulet. Merci à nos trois invités, Delphine Diaz. Il faut dire que votre livre Un asile pour tous les peuples raconte l'histoire des exilés, des réfugiés en étrangers en France pendant le premier 19e siècle. C'est chez Armand Collin qu'un numéro d'Hommes et Migration revient sur les maux de l'exil dans l'Europe du 19e siècle. On mettra tout ça sur le site de France Culture. Pour votre part, eh bien, L'urne et le fusil, la garde nationale parisienne, c'est votre livre issu de votre thèse, en l'occurrence Mathilde Larère, mais aussi vous avez dirigé Révolution quand les peuples font l'histoire, ou encore avec Aude Loriot, Les intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance, c'était chez Détour cette année. Et puis vous avez dirigé aussi la documentation photographique consacrée à voter en France de 89 à nos jours. Et enfin, pour vous, Anne-Sara Moalik Bouglé, on peut trouver votre livre sur le vote des femmes, donc entre 1848 et 1944. C'est aux Presses universitaires de Rennes. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.